La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour les critiques et pour l'université, c'est surtout en tant que cinéaste que Marcel Pagnol est légitime. Il a en effet ouvert la voie au cinéma réaliste, et peut-être même à la nouvelle vague, qui sait. Certains de ses représentants, comme Godard par exemple, ont bien souvent souligné son talent. Mais sa littérature et ses pièces doivent tout autant être redécouvertes, et notamment ses souvenirs d'enfance, dont l'atmosphère, toute simple en apparence, est rendue par un travail attentif sur la langue, comme nous le voyons ici depuis lundi. Lundi où nous avons exploré sa vie et singulièrement son enfance avec Hélène Rivière, qui est revenue notamment sur le rapport de Pagnol avec l'institution scolaire. Hier, c'est des grands thèmes de l'œuvre dont nous a parlé Karine Hahn, tandis que demain, nous reviendrons sur cette question de la légitimité de Pagnol dans les milieux universitaires, ainsi que du qualificatif de régionaliste qu'on accole souvent à sa littérature. Ce sera avec Marion Brun. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous comparons ces deux grandes figures de la littérature provençale que sont Jean Giono et Marcel Pagnol. On les a souvent associés, mais parfois peut-être à tort. Nous le faisons avec Thierry Dé, docteur en littérature et enseignant en classe préparatoire au Mans. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur Pagnol, dont Marcel Pagnol à l'école de Jean Giono, aux éditions La Mirandole. C'était en 2001. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. De l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui pour nous semblez l'avoir très fort? Que nous disions de vous du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde. Et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent pour nous, c'est en avoir. Eh bien non, je blasphème. Et je suis là de feindre. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les plaindre. Emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter un peu sa lande ou sa montagne. Lorsque loin de chez soi, le cœur gros, on s'enfuit, l'accent. Mais c'est un peu le pays qui vous suit. C'est un peu cet accent invisible bagage, le parler de chez soi qu'on emporte en voyage. Bonjour Thierry Dé. Bonjour. Vous avez reconnu Fernandel? Oui, oui, bien sûr. Dans le Spoons hein, de Marcel Pagnol. Alors aujourd'hui, on va parler justement de deux écrivains avec accent, mais deux écrivains qui sont de deux écoles différentes, qui n'ont pas le même lectorat, voire peut-être des lectorats qui s'opposent, non? Ah, ils ne s'opposent pas, ils se complètent. Je pense que Pagnol, en adaptant Giono, a permis aussi qu'un large public s'intéresse à l'œuvre de Giono. C'est un peu ce qui se sont reprochés mutuellement longuement. L'un considérant qu'il avait une reconnaissance qui était peut-être trop purement parisienne et puis liée au milieu littéraire de la NRF, par exemple, de chez Grasset. Et Pagnol considérant que son œuvre était trop considérée comme populaire. Mais je pense que ce qui les unit, c'est peut-être... Précisément que l'un a servi l'autre, bien malgré lui, et après de multiples pérégrinations, malentendus, ils sont aussi opposés qu'on peut l'être et qu'on peut l'imaginer, et en même temps, quelque part, ils sont complémentaires. Alors en tout cas, ils n'aimaient pas tellement qu'on dise, et on en parlera aussi demain, que leur littérature était régionaliste. Je crois que Giono préférait encore dire qu'il était picard de par son ascendance maternelle, plutôt que de dire qu'il était un écrivain de la Provence. Absolument, il avait horreur de ça. Il expliquait souvent qu'il avait les yeux bleus et que c'était peu provençal, et qu'il avait une grand-mère picarde, en oubliant aussi une partie un peu italienne. Et il en rajoutait encore en disant qu'il n'aimait pas la chaleur, que le pays de ses rêves, c'était l'Écosse, parce que enfin là-bas, il pleuvait. On l'entendra sans doute en archive dire ça un peu plus tard dans l'émission. Alors, il y a des choses quand même qui les rapprochent tous les deux. D'abord, ils sont nés la même année, hein, Thierry Dey. Ils sont nés la même année, un peu plus d'un mois d'écart. Pagnol, un 28 février, paraît-il, en même temps et le même jour que le cinéma. C'est du moins ce que Pagnol racontait. Je ne sais pas si le premier film des Frères Lumière a été projeté un 28 février. Et Giono est né le 30 mars. Donc ce sont des exacts contemporains. Ce qui, quand on y réfléchit, est très très rare, parce que Pagnol va adapter Giono, qui est son quasi-contemporain. En général, les gens qui adaptent des auteurs prennent un peu la précaution d'attendre qu'ils soient oubliés ou pas, mais en tout cas qu'il n'y ait plus de droit qui court et que l'adapté ne soit plus là pour se défendre. C'est toujours un problème. Oui, on va voir que ça a été en tout cas un problème dans leur relation. Ce qui les rapproche, c'est que ils ne viennent pas, et ça c'est un peu paradoxal, enfin contre-intuitif, ce ne sont pas des hommes de la campagne. Ce sont des gens qui sont nés dans des villes. Alors, pas forcément des grandes villes, mais dans des villes quand même. Oui, alors ils sont rapidement en contact avec la ville malgré tout, puisque Pagnol naît à Aubagne, mais la famille y reste très peu de temps. Ensuite, il est à Saint-Loup, qui est un village de la banlieue de Marseille. Et puis, il y a, comme chacun sait, à partir de sa 9e année, les vacances à la Bastille-Neuve, dans le village de la Treille. Giono n'a pratiquement jamais quitté Manosque, qui était une petite ville à flanc de colline, c'est le cas de le dire, et se décrivait comme un voyageur immobile. Mais ce ne sont pas, dans tous les cas de figure, des purs paysans. Pagnol n'a jamais pris l'avion, cela dit non plus. Non, il n'a pas pris l'avion et très peu le bateau. Il avait beaucoup d'imagination et son imagination faisait que parfois il s'effrayait. Voilà. Donc quand il a visité son ami Tino Rossi en Corse, il lui avait dit « Mon beau Tino, j'ai dû prendre le bateau. Te rends-tu compte que j'ai risqué ma vie pour toi ?» Donc ces deux écrivains, artistes de la Provence, racontent la terre, racontent la campagne, racontent le monde paysan, mais ils n'en sont pas directement issus. Non. Alors ce sont, surtout Pagnol peut-être, ce sont des observateurs, c'est-à-dire des écrivains qui aiment les gens. Marcel Pagnol a toujours aimé dire qu'il inventait rien, il prenait des notes. C'est assez faux, mais quand il était dans son village de la Treille, village d'enfance et puis village de beaucoup de ses tournages par la suite, il adorait écouter la Faconde provençale, mais qui est une Faconde du côté de Marseille. Giono, lui, avait un goût pour les paysans à l'antique, qui sont parfois plus secrets, plus taciturnes. Et donc, il cherchait dans l'âme paysanne quelque chose qui était probablement un peu plus intemporel. Il a d'ailleurs souvent dit « je ne me suis jamais vraiment promené dans Manosque, c'était toujours un Manosque qui tenait aussi de l'univers gréco-latin. Je rencontrais des paysans qui étaient des mythes, presque. » C'est une ville grecque, Marseille. Puis avec ce port énorme, c'est une ville cosmopolite, enfin internationale. Il en reste des traces très profondes. Je ne parle pas seulement des ruines. On vient encore d'en découvrir sous la place de la Bourse des murs grecs de toute beauté, que Malraux a fait classer, n'est-ce pas? On voulait y faire un parking, mais le ministre a dit non, il ne faut pas y toucher. Il reste même des mots grecs dans le parler des gens du peuple, du port surtout. Quand j'étais jeune, j'entendais parler des pêcheurs qui, pour dire du pain, disaient de l'arton. Et arton, c'est l'accusatif grec, c'est arton, le pain. Il reste plusieurs mots comme ça. Un mec aussi, c'est un mot grec, mekos, homme de mauvaise vie. Et ce mot est monté jusqu'à Paris. Peut-être parce que c'était des Marseillais de mauvaise vie qui l'avaient apporté. C'est la ville grecque commerciale, c'est pas tout à fait provençal en somme. Pourtant, on y parle un provençal dans toutes les banlieues, n'est-ce pas? Aujourd'hui, infiniment moins. Mais lorsque mon grand-père me parlait, il y a une soixantaine d'années, hélas, il me parlait en provençal. Et à la maison, avec sa femme, la conversation était en provençal. Et ça a eu une très heureuse influence sur mes études. Je vais vous expliquer que lorsqu'on sait le provençal, il est extrêmement facile d'apprendre le latin. Je suis resté un bon latiniste parce que mon grand-père m'avait appris le provençal. Mais le gouvernement s'est insurgé contre cette survivance de la Provence, de la langue provençale. Et lorsque mon père y est instituteur, ils ont reçu des ordres pour empêcher les enfants à l'école de parler entre eux en provençal, car ils parlaient en provençal pendant la récréation. Alors on avait trouvé un truc. L'instituteur avait la clé de la classe dans sa poche, et s'il y en avait un qui prononçait en provençal, on lui donnait la clé de la classe, ça voulait dire que c'est lui qui devait la balayer le soir. Mais il avait le droit de repasser la clé au prochain qui lui dirait un mot provençal. Et mon père disait que c'est comme ça qu'on a fait disparaître la langue provençale. Il y a un côté défense ici de la langue provençale. Est-ce qu'il y avait la fierté des origines quand même, chez l'un comme chez l'autre? Là, on entendait évidemment Marcel Pagnol. Pagnol se considérait, même s'il parle beaucoup de la Grèce ici, essentiellement comme un latiniste. Et il expliquait assez fréquemment qu'il n'aurait sans doute pas écrit ce qu'il a écrit, la façon dont il écrivait, enfin on va pas revenir sur la question du style, s'il n'avait pas été latiniste. C'est quelqu'un qui se sent effectivement méridional dans l'âme, mais plus, je dirais plutôt du côté latin. Donc c'est toute la Méditerranée finalement à laquelle s'identifie. Il s'identifie aux gens qui ont apparemment une faconde et un accueil extraordinaire et ouvert, et qui en fait sont des gens relativement secrets qu'il faut apprendre à connaître. Ah oui, mais attendez, parce que là on dirait que c'est Giono que vous décrivez. Oui, absolument, mais c'est un point de contact, contrairement à ce qu'on peut penser. Les paysans de Giono parlent peu, ce qui ne veut pas dire que les gens de Manosque parlent peu. Peut-être moins que les Marseillais. Cela étant, derrière la faconde et puis le jeu social qu'on connaît et qui est parfois un peu caricaturé, la pétanque, les grands moments de rigolade entre copains, ce sont des gens qui fonctionnent, à mon avis, de la même façon que les provençaux de chez Giono. Ce sont des vrais introvertis qui semblent être extravertis. Voilà. Alors, de quelle Provence exactement est-ce qu'on parle quand on parle de la Provence de l'un et de l'autre? Parce que, malgré tout, ça n'est pas la même. Et d'abord, géographiquement, ça n'est pas la même. Alors, pas la même. Il y a une petite centaine de kilomètres d'écart. Celle de Giono va davantage vers les Alpes. Les paysages ne sont pas les mêmes. Je pense que l'influence première dans l'œuvre de Pagnol, qui existe moins chez Giono, quoi qu'il parle de Marseille, mais souvent comme un lieu de perdition, c'est précisément la cité phocéenne. Il y a une civilité qui est liée à cette très très vieille cité qui a été fondée par les Grecs et dont Pagnol s'est fait un peu involontairement au début le chantre. Il n'avait pas du tout en tête de faire d'ailleurs des œuvres qui auraient été marseillaises ou provençales. C'était pas du tout sa vocation première. Alors Marseille, c'est la ville du commerce. Giono, c'est l'arrière-pays plus paysan. Et Pagnol, c'est vrai que c'est plutôt le commerçant, alors que Giono, c'est plutôt l'artisan. Donc géographiquement, finalement, on retrouve un petit peu leurs deux, je sais pas s'il faut dire personnalité, mais enfin leurs deux orientations. Alors les deux étaient des artisans, ça de façon certaine. Il y a aussi beaucoup d'images qui s'attachent aux écrivains méridionaux. Pagnol travaillait à heure fixe très tôt le matin pendant très longtemps, reprenait 100 fois les mêmes scènes. Il avait le goût du travail bien fait hérité de son grand-père tailleur de pierre. Il avait d'ailleurs la massette dans son bureau que j'ai vu, l'harmonica de son frère Paul. Giono écrivait également à heure fixe absolument tous les matins. Le côté commerçant de Pagnol, qu'il a revendiqué, tient au fait que c'est quelqu'un qui se disait ne pas être seulement l'homme de la première pierre. Quand j'ai posé la première, je veux poser toutes les autres. Donc tout l'intéressait. Absolument. C'est un bâtisseur. Ah, c'était un bâtisseur à tel point que quand il était sur un plateau, il faisait tout. Non seulement il reprenait les dialogues le matin, il réglait les scènes des acteurs, il donnait un coup de main au machiniste, il allait tronçonner un arbre qui était dans le champ, et absolument tout l'intéressait. Il avait dit à son père, qui était enseignant et qui ne gagnait pas énormément d'argent, ça a sans doute bien changé dans l'intervalle, qu'il voulait être millionnaire. Et il a voulu être millionnaire, mais surtout c'est il y est arrivé. Il y est arrivé parce qu'il a une curiosité absolument extraordinaire et il a envie de tout prendre en charge. C'est sa nature. Alors que le banquier au départ, c'est Jean Giono. Alors c'est un employé de banque comme Fernandel. C'est-à-dire banquier, hein. Quand on est employé de banque, on finit pas toujours banquier. Je pense que Giono s'ennuyait profondément dans ses chiffres, dans ses comptes. C'était un imaginatif qui justement comme Fernandel, dans un autre registre, a attiré beaucoup de son talent personnel, de son ennui quotidien dans un travail qui lui convenait très peu. Mais c'est là où on sent déjà un petit peu des dissensions entre les deux auteurs, entre un Giono qui est quand même très sédentaire, très attaché vraiment à sa maison, même qu'il ne va pas quitter pendant 30 ans. Il va écrire dans la même pièce au grenier, tandis que sa femme et sa fille vivent dans les étages inférieurs. Alors que Pagnol, c'est plutôt l'expansion, c'est plutôt Paris, d'autres propriétés un petit peu partout en France, et puis plusieurs femmes aussi. Oui, alors successivement quand même les femmes, les propriétés parfois en même temps. C'est vrai que ce sont des modes de vie qui sont autres, parce que l'un comme l'autre quand même, quand ils maîtrisaient un domaine, passaient un peu immédiatement à autre chose. Le Giono d'avant-guerre ne ressemble pas au Giono d'après-guerre, celui du hussard par exemple sur le toit, parce que Giono disait en somme qu'il en avait assez de faire du Giono. Et là aussi c'est un point commun avec Pagnol qui, lorsqu'il a écrit ses trois premiers volumes des souvenirs d'enfance, n'a jamais terminé le quatrième, le temps des amours. Il n'a pas pu. Il est passé à autre chose. Sa femme Jacqueline me racontait que les 10 dernières années de sa vie, son obsession c'était le masque de fer sur lequel il a écrit 2 ouvrages. On le pressait de noter des contes de Provence qu'il racontait oralement, qu'il n'a pas terminé non plus le temps des amours. Il pensait que ce serait sa grande œuvre, le masque de fer. Oui, et bien il pensait surtout qu'il n'avait pas fait beaucoup d'histoires jusqu'à présent, et je pense que c'était ce qui l'emmenait vers autre chose. Il s'est intéressé, il a eu ses studios, il a tenté de construire une cité du cinéma autour de Marseille à un moment donné. Ensuite, il a tenté de mettre aussi en valeur un système de films couleur à la française. Enfin, il fallait faire quelque chose de neuf. Ce qui était acquis était moins intéressant. Et Giono est un peu comme ça, littérairement. Il y a beaucoup de Giono. Il y a une pente de Giono qui ressemble à Stendhal, manifestement. Mais alors, ce côté un peu trépidant de la vie de Pagnol, est-ce que Giono le regardait un peu de haut ou le jugeait un petit peu? Alors, il le jugeait pas, mais il le regardait de façon étrange, au sens propre. Pagnol était quelqu'un qui, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et il l'a dit lui-même dans certaines interviews, avait 300 employés. C'est quelqu'un qui avait ses studios de cinéma à Marseille, qui avait ses salles de distribution, comme ultérieurement il va s'éditer lui-même avec les éditions de Provence. Je pense que Giono se demandait comment on pouvait avoir une telle suractivité aussi. La Provence que j'habite, qui est celle-ci, que vous connaissez, est un pays tout à fait différent du pays qu'on imagine et vers lequel viennent assez souvent les Parisiens. Ça n'est pas un pays plein de soleil, c'est un pays noir. C'est un pays noir dont j'ai trouvé l'équivalent en Écosse, pour aussi curieux que ça puisse paraître. Oui. J'ai trouvé plus d'affinité avec mes propres sentiments en Écosse que sur la Côte d'Azur. Un endroit, par exemple, qui est détestable et qui n'est pas du tout la Provence, c'est cette côte avec cette mer perpétuellement bleue et ces rochers rouges. Ça n'est pas provençal. Eh oui, la corniche d'Antéor. Oui, si vous voulez. Mais aussi les plages sur lesquelles sèche un pémican à longueur d'été. Tout ça n'est pas provençal. Ce qui est provençal, ce sont ces pays, les pays que vous allez connaître ici avec moi, les pays autour de Manosque, autour de Gréoux-les-Bains, autour de Moussier-Sainte-Marie, le plan de Canjuère, la montagne de Lure, le Haut-Var, si magnifique avec ses vieux châteaux. Ces vieux châteaux au milieu de bosquets d'yeuses, de bosquets d'arbres, de pins, de chênes. Ça, c'est un pays admirable, mais c'est un pays noir. C'est un pays, vous verrez, auquel la pluie convient très bien. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et vous avez reconnu Jean Giono, Thierry Déhé, dont on parle aujourd'hui en regard avec Marcel Pagnol, héros de notre semaine. Alors, les Provences, la Provence de l'un, la Provence de l'autre, est-ce qu'elles ont la même couleur? Est-ce qu'elles ont les mêmes odeurs? Est-ce que les sons sont les mêmes? À quoi ressemblent-elles? Alors, climatiquement, elles diffèrent relativement peu quand vous voyez les collines de l'Étoile au-dessus d'Aubagne et de Marseille, ou Manosque. Les cigales sont toujours là. Simplement, leur représentation et leur vision de la Provence est effectivement différente. Giono disait « Je ne me suis jamais promené dans un Manosque qui aurait été Manosque. Je côtoyais Pan, je côtoyais tous les mythes. J'étais dans les oliviers de Virgile. Oui. » Donc il y a le choix. Et ça s'est avéré exact parfois. Peut-être que la Provence, la Haute-Provence, a été, Giono le dit aussi, le lieu où il y a eu beaucoup de crimes. Il disait quasi shakespearien. Ouais. On pensait à l'affaire Dominici, qu'il a suivi d'ailleurs en curieux en 1952. Donc, on a d'un côté une Provence un petit peu triste, et de l'autre côté, une Provence chantante. Alors, c'est un peu caricatural, mais est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Alors, c'est une Provence dure, peut-être du côté de Giono, et immédiatement représentée comme dure, comme difficile. Ce sont des villages qui meurent, ce sont des paysans qui sont trompés par la ville, mère de tous les vices, Marseille en particulier. Oui, alors ça c'est très important pour Giono de dire qu'au fond, le responsable c'est le citadin. Et dans un sens, c'est vrai que Pagnol est davantage un citadin que lui. Alors oui, mais cela étant, sa Provence n'est pas non plus folklorique. On a retenu de Pagnol beaucoup la trilogie, et on trouve que ça a un côté pittoresque. Bah, c'est le paradis quand même. Alors, c'est le paradis des hommes et des femmes de bonne volonté. Quand on regarde finalement le point de vue que Pagnol expose d'abord sur ces personnages, ils sont plus souvent animés d'abord de mauvais sentiments qui peuvent se comprendre. On va rejeter la fille mère dans un premier temps. On n'est pas dans une galéjade perpétuelle, on est dans une sorte de leçon de vie. Je crois que Pagnol, qui n'était pas non plus un optimiste, est quelqu'un qui avait le parti pris, alors non pas de rire des choses, mais de chercher le meilleur de ce qu'on peut trouver dans l'être humain. Et en cela, ils se séparent pas tant que ça. Ils ont un côté, un rapport à la tragédie, l'un et l'autre, même si ça se termine plutôt bien par des entourloupes ou des appels parfois à la bonté, à la réconciliation. On y croit parfois plus ou moins. Tout à l'heure, Thierry Dey, vous parliez de toutes les lectures qui avaient imprégné Giono et qu'il retrouvait en se baladant dans les rues de Manosque. On voulait justement vous faire entendre un extrait d'entretien à ce sujet. Lorsque j'allais me promener dans la colline, j'y allais à la suite, et je dis bien à la suite, comme traîné par eux, à la suite de souvenirs de mes lectures, de souvenirs littéraires. Lorsque pendant la semaine et pendant tout le temps de mon travail, j'avais lu, je me reporte par exemple, je vais parler du livre qui m'a été mon compagnon pendant très longtemps, l'Odyssée. Je lisais l'Odyssée. Évidemment, il n'y a pas la mer à Manosque, mais il y avait les collines. Et au-delà de ces collines, un horizon suffisamment bleu pour que je puisse imaginer, étant enfant, qu'au-delà de ces collines se trouvait la mer, comme elle s'y trouve en effet, mais on ne la voit pas. J'allais par conséquent à la recherche des paysages dans lesquels se passaient les drames des personnages qui m'avaient intéressé pendant le courant de la semaine ou pendant le courant du mois. Lorsque je marchais dans un verger d'olivier, Pan était là, Apollon surgissait des herbes, Nausicaa était cachée dans un chemin en train de remonter son linge des lavoirs, et Ulysse était peut-être dans ses petits villages posé sur le sommet des collines, en train de manger chez Alkinoos, n'est-ce pas ? Tout ça a été mêlé. Je ne crois pas qu'un jour j'ai pu me promener dans un Manosque qui était Manosque. C'était un Manosque qui était à la fois tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc on voit bien. Le Manosque de Giono est hanté par la fiction, par les lectures qu'il a accumulées. Évidemment, c'est aussi un petit peu le cas pour Pagnol, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes lectures. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes lectures. Giono racontait que son père lui avait lu, tout au long de son enfance, à peu près les mêmes ouvrages. La Bible. Dont la Bible, effectivement. Donc, l'importance du mythe voilà. Chez Giono est et très le mythe est quelque chose de tout à fait essentiel, et c'est un des rares auteurs, hormis ceux de l'Antiquité, qui a su élever son œuvre jusqu'au mythe. Pagnol en était parfaitement persuadé, puisqu'il était... Parfaitement jaloux. Il était persuadé que Giono avait quelque chose de dans ce talent-là qu'il n'avait peut-être pas. En même temps, il était également persuadé que Giono n'était pas le dialoguiste du siècle non plus. Et donc, je pense que comme Pagnol était aussi pragmatique, il a senti qu'il y avait une manne très riche, qu'on pouvait l'exploiter pour en faire autre chose. C'est l'origine du malentendu. Je pense que Giono, comme tout écrivain, voulait qu'on l'adapte. Et Pagnol l'a adapté pour en faire autre chose, qui était une œuvre dramatique. Par exemple, les lectures de Pagnol, c'est Cyrano de Bergerac. Absolument. Et là, on le retrouve aussi dans les envolées, la rapidité qu'on trouve dans les dialogues de ses pièces. Absolument, il y a le brio, il y a la grande admiration pour Rostand, qui est marseillais, auquel il a toujours voulu s'identifier. Le Pagnol, dans ses premières pièces, n'avait pas une veine spécifiquement méridionale, elle était davantage critique. Avec la pièce Les Marchands de Gloire, où il dénonce les profiteurs de la guerre 14-18. Topaz, où d'une certaine façon, il met en scène son père et montre peut-être la naïveté des gens qui se font avoir par les autres. Il y avait cette veine satirique qu'il n'a jamais complètement perdue, qui a été un peu ensuite dissimulée sous le masque de la bonne humeur. Mais sa représentation globale de l'être humain n'a pas complètement changé non plus. Et puis, il y a une écriture très classique du côté de Pagnol, qui remonte peut-être aussi plus loin que Rostand, qui remonte jusqu'aux auteurs antiques, mais qui n'est pas exactement la même que celle de Giono. Absolument. Pagnol disait, d'abord il est fils d'instituteur, il a subi beaucoup de dictées, et il se réfère aussi au XVIIe siècle, c'est un grand admirateur de Molière. En somme, il faut dire le maximum de choses en peu de mots, ce qu'il trouve aussi dans l'idéal de l'éloquence gréco-latine. Il trouve que Giono met beaucoup de mots. Dans les mauvais jours, il va dire que Giono, c'est comme la source Perrier, c'est-à-dire qu'il fabrique son propre gaz. Mmh. Et donc, il y a une première version de texte, c'est selon Pagnol, parfait, net, clair, et puis il en rajoute. C'est d'ailleurs pas tout à fait vrai quand on voit les manuscrits de Giono. Mais là, il y a une différence fondamentale. L'un est toujours un universitaire au sens large, un fils d'instituteur, et l'autre est un autodidacte créateur. Qui aime la musique. Et on retrouve cette musique dans l'écriture de Giono. Absolument. Et Pagnol le sent d'ailleurs, puisque Roguin, et il y a aussi le film, il y a une partition musicale d'Honegger qui est faite aussi pour rendre compte des choses dont l'image ne peut pas rendre compte et qui sont dans le texte de Giono. Absolument. Ah bon, il faut parler, hein, puisque vous allez sur ce terrain, des adaptations. C'est très important, évidemment, d'en parler dans le cadre de cette émission sur les rapports entre Giono et Pagnol. Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés d'abord, ces deux-là? Comment ça a commencé, leur collaboration? Je pense que Pagnol admirait Giono assez vite. Et puis, l'autre aspect qui était pragmatique, c'est qu'il avait rencontrer un auteur contemporain qui pouvait lui fournir des sujets pour ses films, parce qu'il faut jamais oublier. Il manquait de sujets. Alors il manquait de sujets parce que il l'a dit lui-même, il n'avait peut-être pas l'imagination créatrice de Giono. Gide disait la même chose. Gide disait que s'il avait dû raconter des histoires au coin d'une rue, il serait mort de faim parce que personne n'aura, le talent de Pagnol, il le sent pas là. Il pense qu'il a cette capacité d'auteur dramatique à agencer des sujets simples pour en faire quelque chose qui va toucher tout le monde, l'universel en latin. Et il trouve chez Giono une manne réellement qu'il va exploiter. Donc c'est un metteur en scène, un metteur en forme? Alors c'est un metteur en scène et puis c'est aussi quelqu'un qui a des studios et qui a nécessité de faire tourner ses studios. Donc il va chercher au début, c'est son premier film et pas du tout un film provençal, il adapte à des pièces de théâtre du 19e. Le gendre de Monsieur Poirier, c'est pas très réussi. Il y a Charpin avec l'accent qui joue un personnage noble qui en fait trop. Et puis à un moment donné, il se dit je vais partir à la Treille et je vais adapter. C'est son premier Giono, un extrait du Serpent d'Étoile avec cette histoire de Geoffroy qui le paysan qui ne veut pas qu'on coupe ses arbres. Voilà, donc il est parti aussi à la recherche d'auteurs et réellement il a senti qu'il y avait quelque chose chez Giono qui était énorme. Donc là on est en 1933, oui, avec donc Geoffroy. Comment ça se passe cette adaptation? C'est fait alors. Ça effrayait Fernandel. Pagnol donnait toujours le sentiment de travailler à la bonne franquette, parce qu'il avait un aspect assez décontracté. En réalité, c'était, comme Fernandel, un anxieux qui refaisait ses textes 100 fois, mais qui, lorsqu'il voyait que ça n'allait pas, pouvait refaire aussi au dernier moment. Et donc, il va prendre des comédiens d'occasion parmi ses amis. Il cherche une sincérité et il part tourner un petit peu par hasard à La Treille, qui est le village de ses vacances. Il compte aussi faire des courts-métrages ou des courts-sujets, souvent. Ce qu'on ignore, par exemple, c'est que La femme du boulanger, qui est extrait le film d'un petit bout de Jean Le Bleu, de Giono, lequel s'appelle Le boulanger, le berger Aurélie, c'était à l'origine un court-métrage ou un moyen-métrage. Et puis, il a voulu proposer d'ailleurs le rôle à Mopy, qui était le poisson pilote de Rému, de petite taille. Et puis Rému lui a dit, mais écoute, Mopy est trop petit, moi je suis plus grand, fais-moi un grand film, Marcel. Et c'est parti comme ça, il y avait cette espèce de travail en liberté. Mais alors évidemment, il appliquait ça aussi aux textes sur lesquels il travaillait. S'il y a un auteur, je pense que ça aurait été la même chose que si ça n'avait pas été Giono, était parti avec l'idée que Pagnol n'était qu'un adaptateur, le malentendu et le quiproquo était là à nouveau. Donc c'est là où il y a quelque chose d'intéressant à creuser, c'est que à la fois Pagnol, c'est vrai, adapte avec beaucoup de subjectivité. Enfin, c'est vraiment un auteur qui Absolument. S'empare d'un autre texte. Absolument. Mais en même temps, on a l'impression que il est vraiment à l'aise quand il n'est pas l'auteur de tout, quand il part d'une base qui est déjà existante, en l'occurrence de nouvelles ou d'extraits même de textes de Giono. Oui, ça c'est peut-être vrai. En même temps, il considère qu'il n'y a pas d'art en dehors des lieux communs, c'est-à-dire que il se pense capable, et je crois que c'est la qualité principale qu'il se reconnaît, de toucher le maximum de personnes sur des sujets qui concernent tout le monde. Et c'est un travail d'élagage qui s'autorise aussi avec d'autres auteurs dont on parle moins. Il a adapté aussi Daudet, Maupassant, en changeant beaucoup de choses. Alors que Giono, finalement, ne toucherait pas tout le monde. Il serait plus réservé à un certain lectorat. Alors, c'est pas ça. C'est que je pense que Pagnol, c'est mon point de vue, est comme certains auteurs du XVIIe, dont Molière, quelqu'un, il disait parfois, qui peut plaire aux plus intelligents, passez-moi l'expression, comme aux plus cons. C'est-à-dire que c'est une définition de l'art populaire qui n'est pas destinée à faire de l'argent. Pagnol, qui vient d'un milieu modeste comme Giono, pensait que le but et l'essence de l'art, c'est effectivement de réveiller peut-être ce qu'il y a de meilleur en chacun d'entre nous. Donc, oui, voilà, je pense que ça se situe à ce niveau-là. Mais quand même, les succès de Giono, les vrais grands succès, il les a obtenus grâce aux adaptations de Pagnol. Alors oui, il y a des choses que Pagnol n'a pas adaptées. Il y a Colline, qui est aussi une œuvre tout à fait extraordinaire. Disons que dans le domaine de l'humain, Giono fouille moins. Giono est plus quelqu'un qui s'interroge sur la place de l'homme face, par exemple, au grand fléau. On le voit dans Le Hussard sur le toit, mais on le voit aussi dans Colline avec l'incendie. Je pense qu'il est plus dans le collectif. Oui. Et dans la réaction collective face au péril. Je fais une parenthèse, est-ce que vous avez pensé au Hussard sur le toit dans le contexte actuel où on parle beaucoup de maladies, de virus et de transmission de maladies? Ah oui, alors j'y ai pensé, comme tout le monde, j'y ai pensé parce que Pagnol a aussi consacré un chapitre du temps des amours à la peste de Marseille. Giono, c'est le choléra de 1832, puis il y a évidemment Camus. Alors, le traitement est un peu différent. Le point commun, c'est que ce genre de situation ne réveille pas ce qu'il y a de meilleur en l'homme. La partie animale, évidemment, la partie panique joue forcément. Après, les auteurs se situent suivant des points de vue différents. Je pense que dans Le Hussard sur le toit, c'est une grande rêverie sur la liberté, finalement, que Angelo, le hussard, et puis Pauline de Théus vont obtenir parce qu'il n'y a plus de cadres sociaux. Chez Pagnol, c'est comment on fait pour survivre. C'est une petite communauté qui essaie de survivre. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que c'est pas du tout le même rapport, parfaitement imaginaire d'ailleurs, puisqu'ils n'ont évidemment pas connu ce genre de situation. Et on voit deux traitements complètement différents. Donc les réactions des protagonistes vis-à-vis du fléau sont diamétralement opposées. Ça dit quoi finalement de ces deux écrivains? Ça dit que je pense que Giono était à ce moment-là dans une sorte de rêverie stendhalienne de comment être un peu au-dessus de son propre destin, comment le prendre en charge. En même temps, c'est une rêverie, puisque je répète qu'il a assez peu bougé. Je ne sais pas s'il s'incarnait dans son fameux hussard. Pagnol, j'ai relu l'extrait du Temps des Amours, est plus pragmatique. C'est-à-dire, il imagine une petite communauté au-dessus de la plaine de Marseille, je crois que c'est avenue de Villiers actuellement, qui tente de survivre en autarcie, dirigé par un médecin. C'est une histoire qu'on lui avait racontée dans les collines de la Treille. Mais en même temps, ce qui l'intéresse là aussi, c'est comment la société se réorganise, comment l'humain se réorganise. Giono, c'est un peu comment Angelo et Pauline de Théus deviennent un surhomme et une surfemme dans des conditions qui sont assez épouvantables. Dans Les Pestiférés, justement, parce que c'est le nom finalement de ce court texte de Pagnol, c'est inachevé d'ailleurs, me semble-t-il. Oui, oui. Il y a ce bateau, c'est l'histoire de ce bateau qui arrive de l'est de la Méditerranée avec une maladie, il est porteur de la peste, je crois. C'est ça, justement. Oui, oui. Et pour des raisons financières, mais c'est une histoire vraie hein, au départ, pour des raisons financières, les soieries que contenait ce bateau sont débarquées à Marseille. Et c'est comme ça que la ville est contaminée. Du coup, sur ce rapport à l'argent, il y a aussi peut-être quelque chose de très pagnolesque, quelque chose d'un peu moral même. Il y a quelque chose de moral, oui. L'argent, c'est toujours la morale de Topaz, c'est ces petits carrés de rectangles qui font marcher le monde. Encore une fois, je répète que Pagnol n'est pas un optimiste, c'est pas un faiseur de santons folkloriques du tout. Comme certains grands auteurs, quand on voit l'aisance des dialogues, mais c'est la même chose chez Molière. Il faut connaître parfaitement le latin pour écrire des choses qui paraissent couler de source. Il y avait un ami de Pagnol qui a été le mien ultérieurement qui disait Pagnol, c'est un peu comme un trapéziste. Quand on le voit, on a l'impression que tout est facile. Et quand on essaie de le faire, quand on a le malheur d'essayer, je termine pas ma phrase, mais vous voyez ce qui se passe. Voilà. La voilà. Tu l'as vu, retourner la pomponnette, dit garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon dit, qui s'est fait un mauvais sang de peste depuis hier, il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins, il était malheureux comme les pierres. Et elle, pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière, un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Rien. Oui. Oh, mais toi, tu réponds rien. Mais elle, si elle pouvait parler, si elle n'avait pas honte, si elle n'avait pas peur de faire de la peine au pauvre pompon, elle dirait, il est plus beau, beau. Qu'est-ce que c'est, cette petite différence de l'un à l'autre? Compagnie des œuvres sur France Culture avec cet extrait de La femme du boulanger de Pagnol. C'est donc une adaptation d'un texte de Giono. Ça va assez mal se passer d'ailleurs, parce que Giono ne sera pas très content, comme c'est un peu toujours le cas d'ailleurs, des adaptations de Pagnol. On pourra en dire un mot, mais rappelons peut-être l'intrigue et la manière dont Pagnol a fait un petit peu autre chose de ce texte de Giono. Alors, le texte de Giono est très très court et c'est en quelque sorte les réactions d'une communauté pour ramener la boulangère dans le jeu de la communauté, beaucoup plus que... Parce que la boulangère parce qu'ils ont besoin, voilà, et elle a, non seulement parce qu'elle a fauté, mais parce qu'ils n'ont plus de pain. Donc, ouais, c'est justement pour ça. Et donc il y a des combats entre villageois ou les villageois d'à côté. On est beaucoup plus, là encore, dans une réaction collective. La psychologie entre assez peu. Donc ce qui intéresse Giono, c'est d'étudier le microcosme, de regarder le village depuis là-haut et de voir ce qui se passe dans un village quand il n'y a plus de pain parce que la femme du boulanger est partie avec un garçon plus joli que le boulanger lui-même. Voilà, et Pagnol est beaucoup plus dans une interrogation dramatique, c'est toujours le cas, sur les personnages. Donc là, vous, dans la scène qu'on a entendue, dont on a entendu un extrait, vous avez une sorte d'illustration de la pudeur méridionale, puisque le boulanger ne va pas faire de reproches directement à sa femme, mais les adresser au chat, cette pauvre pomponnette qu'il va traiter de tous les noms. Tout ça, c'est entièrement de l'invention de Pagnol. On est dans le registre de l'humain, on est dans le registre de l'auteur dramatique chez Pagnol. Et je répète, on est beaucoup plus dans le registre du mythe, donc du collectif chez Giono. Mais alors ça, c'est quand même étonnant, Thierry Dehé, c'est-à-dire que Pagnol lit ce texte et il change complètement le niveau auquel il s'intéresse. Il passe en effet au niveau purement individuel, le collectif finalement ne l'intéresse plus. Du coup, c'est vrai qu'on se met à la place de Giono, on a envie de dire, c'est pas mon texte. Ça. Ah, c'était pas du tout son texte, mais Pagnol avait pas du tout l'intention de faire un texte qui ressemblait à celui de Giono. C'est ce moyen... Prendre ce texte de Giono, autant tout inventer Peut-être pas, parce qu'il avait l'idée que la situation... Il croit beaucoup aux situations, Pagnol, et il faut trouver une bonne situation dramatique. Il retient aussi dans ce qu'écrit Giono au niveau dialogue, qui est assez rare, ce qui lui paraît le mieux, quitte à le copier mot à mot dans certains cas. Mais parfois, il élimine aussi. C'est quelqu'un qui est effectivement, et Giono a raison de ce point de vue-là, qui n'est pas du tout dans la perspective de servir une œuvre. Il recrée sa propre œuvre à partir de ce qui l'intéresse chez les autres. Mais il a l'imprudence de le faire avec son quasi-contemporain, même son contemporain tout court. Il y a eu peut-être un malentendu au moment de la négociation, parce qu'il y avait des négociations très serrées sur les droits. Alors oui, sauf que Giono, suivant les termes du premier contrat, devait participer plus activement au dialogue, ce qui apparemment ne s'est pas fait. Et donc, il a eu le sentiment d'être un peu dépouillé de l'œuvre. Et je pense que Giono aurait eu du mal à se remettre, il l'a fait par la suite, à sa propre œuvre. Mmh. C'est quelqu'un qui ne se serait pas auto-adapté. Une fois que quelque chose était fini, il repassait à autre chose. Ça serait un peu différent quand il va s'intéresser au cinéma, pour réaliser lui-même, mais la soixantaine passée. Donc il y a des différences très importantes finalement entre l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans les thèmes, Thierry Dehé ? Eh bien, il y a déjà la Provence, il y a la situation de l'homme sur cette terre, il y a le collectif, il y a les réactions face au malheur, et peut-être les différentes façons de les surmonter. Pagnol, de ce point de vue-là, choisit en bout de course d'être plus optimiste. Mais là encore, il y a beaucoup de points communs. Si vous pensez à Manon des Sources, c'est une histoire épouvantable d'un pauvre homme qu'on laisse se tuer parce qu'on a caché une source. La vengeance de Manon, c'est la némésis des Grecs. Ça pourrait amener toute la ruine du village. En bout de course, Pagnol va choisir une fin où les gens choisissent eux-mêmes une voie de rédemption ou une meilleure compréhension les uns des autres. Est-ce qu'on ne retrouve pas là le directeur des studios qui se dit que ce serait quand même pas mal d'avoir un happy end pour que on passe le mot, que le film finalement ne vous déprime pas trop quand on en sort Ça je crois pas, parce que Topaz, il n'y a pas d'happy end. Topaz, il est complètement corrompu à la fin. Les Marchands de Gloire, on voit des personnages complètement corrompus. Ni Ugolin ni le Papet ne sont guéris de leur égoïsme. Simplement, à un moment donné, c'est un peu comme dans La fille du puisatier, il faut choisir entre rejeter sa fille qui a eu un enfant hors mariage et accepter de la recevoir, ce qui dans le contexte de l'époque n'était pas si évident que ça. C'est sûr que Pagnol va plutôt montrer la voie un peu optimiste, mais il n'est pas moins lucide que Giono là-dessus. Il y a aussi une vision quand même de l'homme et de ses pulsions. Enfin, quand je dis l'homme, c'est évidemment l'homme et la femme. Et de leurs pulsions, qui n'est pas la même, Thierry Dehé. Alors ça, c'est pour une raison liée à la pudeur de Pagnol. Pagnol n'aborde jamais, ne retient jamais les textes un peu crus qu'on peut trouver parfois dans Giono. Donc il n'y a pas de scène érotique dans les adaptations, elles sont mises de côté. Oui, il contourne même la difficulté. Par exemple, quand on voit Arsule dans Regain de Giono qui se lave à la fontaine, Pagnol aurait pu filmer de dos, de très loin. Absolument pas, il la rhabille. Là, il y a ce rapport particulier, une pudeur très prononcée, qu'on retrouvait d'ailleurs chez le personnage, parce qu'on s'imagine que c'était un beau parleur. Sa femme me disait qu'il avait horreur des interviews, il avait horreur de parler de lui. Il pouvait parler des personnages qu'il mettait en scène. La vérité, c'est ce qui vous fait plaisir, c'est ce que dit Fernandel dans Angèle. Mais en même temps, se dévoiler complètement, ça lui était très difficile. Et en même temps, dans le rapport aux femmes... Ah, il aime les femmes, c'est vrai. Voilà, on a quelqu'un qui, dans sa vie, semble avoir été moins pudique qu'un Giono, qui était un homme... Là, je ne vais pas rentrer dans les détails biographiques, d'une part parce que j'en sais rien. Pagnol était effectivement intéressé par non seulement par les femmes, mais par des changements d'activité. Donc je pense qu'on peut-être... élargir à sa vie privée les ressorts qui étaient les siens dans sa vie professionnelle. Mais la question de la pulsion n'est pas traitée du tout de la même façon. Non. C'est comme si Pagnol niait qu'il y ait de la pulsion, alors que Giono, au contraire, s'emploie à la montrer et à la montrer souvent. Oui, voilà. Alors là-dessus, il y a une différence absolument majeure. Je ne sais pas si Pagnol nie absolument la pulsion, mais disons qu'il est toujours plus dans les conséquences de la pulsion. Par exemple, au niveau familial, ça aussi, c'est des thèmes qui sont latents et qu'on peut retrouver chez Giono que réellement d'un point de vue purement physiologique. C'est des questions qui n'abordent pas. Il y a trois lignes peut-être un peu érotiques dans son œuvre, dans le livre Manon des Sources, où il explique que Manon va danser nue, dans les collines, mais parce qu'il n'y a personne. Ouais. Le rapport est tout à fait fondamental. C'est une caractéristique fréquente des Provençaux, cette pudeur, qu'on ne devine pas du tout, parce que là aussi, on est attaché à des représentations. Donc on pourrait se dire que Pagnol édulcore un petit peu, de la même façon que quand il y a quelque chose de très tragique dans le cinéma de Pagnol, il y a peut-être aussi une volonté de rajouter de la comédie pour que ce soit finalement plus facile, plus agréable à regarder. C'est pas du tout le cas chez Giono, qu'en pensez-vous ? Alors, il édulcore tout à fait. Ensuite, je pense qu'il est en quelque sorte... Il a couru après toute sa vie, après la même chose que les écrivains qui voulaient faire des drames romantiques ou des comédies héroïques comme Rostand, c'est-à-dire un mélange de comique et de tragique. Je pense qu'il y a un côté tragicomédie, effectivement, chez Pagnol. Parfois, le tragique, quand on regarde bien, domine. Regardez les pièces de Molière, elles devraient toutes très mal se terminer. Il y a le choix de basculer vers quelque chose qui est une sorte de confiance mesurée, mais disons un appel aux bonnes volontés entre les hommes. Un humanisme, on pourrait dire. Oui, il y a un humanisme, absolument, mais un humanisme lucide. Qui fait que c'est le parti pris finalement de faire en sorte que les choses se terminent bien, parce que peut-être n'avait-il pas envie de donner trop de leçons négatives. Le cinéma, c'est la forme supérieure de l'art du théâtre. Oui. C'est le moyen d'expression de l'art dramatique le plus parfait, le plus facile. C'est une chose admirable avec le gros plan. C'est admirable, les paysages et les gros plans, ce sont les deux grands éléments. Et puis le changement... Le changement de décor, c'est une chose admirable qui vous fait gagner beaucoup de temps. Parce que dans une pièce de théâtre, il y a 30, 40 entrées et sorties qu'il faut faire, puisqu'il n'y a qu'un décor qui est là sur la scène. Et dans Dame aux Camélias, par exemple, j'ai calculé, il y a 35 minutes d'entrée et de sortie qui ne signifie rien. Vous savez, je passais par hasard, « Oh, cher ami, d'où venez-vous ?» etc. Au cinéma, tu attrapes la scène en plein, au milieu. Et puis quand elle est finie, la scène, dramatiquement, tu as besoin de sortir, on passe ailleurs. Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère. Guillotin, grand air du trouvé. Et tout le public, en frémissant, se passionnait. Alors on l'a vu, Pagnol admirait Giono, admirait sa langue. Parfois il était un peu dans ses petits souliers, hein, même, quand il lui envoyait ses textes. Mais il y a aussi une rivalité qui marche dans l'autre sens, parce que Giono, il va vouloir faire du cinéma aussi. Oui, il veut faire du cinéma. D'ailleurs, il aboutira à la conclusion qu'entre une œuvre littéraire et l'adaptation cinématographique, c'est complètement autre chose. Et il attendra que Camus, Marcel Camus, adapte Le Chant du Monde pour s'en rendre compte au milieu des années 60. Donc il va se rendre compte que c'est dur de faire du cinéma et que peut-être Pagnol, finalement, voilà. Il n'a pas fait du si mauvais travail voilà. Avec ses textes. Alors c'est Pagnol, c'était vraiment complètement autre chose dans certains cas, hormis Regain qui est quand même plus proche du texte de Giono. Le reste, c'est une recréation suivant des principes dont Pagnol parlait indirectement. C'est les principes de l'art dramatique qui doivent déterminer la construction d'un film. Parce que pour lui, le film, il s'est attiré beaucoup d'ennemis. C'était la forme la plus accomplie de l'art dramatique. Donc il fallait appliquer, réécrire, construire. C'est un homme de plan aussi, Pagnol. C'est un enseignant, un professeur. Il fallait passer à la moulinette tous les textes pour en faire quelque chose qui devait fonctionner d'un point de vue dramatique. Il croyait de plan écrit plus que c'est-à-dire de cadrage. Que c'est vrai que Pagnol s'intéressait assez peu à ce qui se passait sur le plateau. On raconte qu'il était souvent dans le camion-son, lui-même l'a raconté, parce qu'il avait réglé le jeu des comédiens avant et il avait besoin d'entendre essentiellement ce qui se produisait. C'était pas ce qui l'intéressait le plus de multiplier les travelling pour multiplier les travelling. Il parle dans l'extrait qu'on vient d'entendre de parties inutiles au théâtre. Et il considérait qu'il y avait des parties inutiles aussi au cinéma. On remplit pas. C'est un art du verbe, son cinéma. Ça, c'est très clair. On remplit pas pour remplir. Mmh. Quand Marc Allégret lui met un travelling de Marseille, il doit laisser faire, mais parce qu'il a besoin qu'on montre Marseille. Mais je pense que ça l'enthousiasmait pas plus que ça. Donc Crésus, le film de Giono, ça marche pas très bien. Il y a du coup peut-être un rapprochement qui s'opère. En fait, ils ont toujours été dans un peu comme Chien et Chat. Il y a le moment du procès que Giono intente à Pagnol au moment de La Femme du Boulanger. En même temps, Pagnol se défend et on envoie des lettres à Giono qui sont très célèbres. Comment ça se passe leur relation? Là, au moment du procès, c'est un peu tendu. Mais finalement, ça repose sur pas grand-chose. C'est l'utilisation, par exemple, par Pagnol, du titre Regain dans la collection de livres qui s'appelle « Les films qu'on peut lire ». Et en fait, ça recouvre plus une incompréhension. Giono se dit que Pagnol fait beaucoup d'argent avec ses films. Alors, le contraire est vrai aussi, quand même. Et Pagnol se dit « Mais mon beau Jean, qu'il appelle parfois mon comte génie, mais de façon sympathique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je fais aussi connaître ton œuvre. » Et je pense qu'ils sont restés dans un processus d'émulation et de grande curiosité. Les acteurs du film Crésus, tourné à Manosque en 60, c'est Fernandel, qui est un acteur phare de Pagnol, mais c'est aussi Rélis qui a joué Ugolin dans Manon des Sources. Donc il y a un processus constant, mais c'est normal, d'attirance-répulsion. Ce sont des monstres de la littérature, dans des domaines très différents. Mais ce sont des personnages, c'est exceptionnel comme rencontre. Et donc, comment voulez-vous qu'ils soient entendus? C'était impossible, ils étaient sur des univers qui ne sont communs que quand on est dans le domaine du cliché sur le provençal, et puis c'est à peu près tout. Alors Pagnol n'est pas rancunier, enfin je sais pas qui doit être rancunier vis-à-vis de l'autre d'ailleurs, mais en tout cas, Pagnol, il avait permis à Giono d'avoir le Grand Prix de littérature de Monaco, et puis il va essayer de le faire rentrer à l'Académie française. Voilà, c'est à cette occasion qu'il l'a traité de grand comte génie, parce que Giono, qui était un peu anarchiste dans l'âme, a préféré l'Académie Goncourt, qui lui permettait quand même d'aller à Paris. Mais oui, l'admiration de Pagnol pour Giono n'est pas du tout feinte. Quand il écrit aussi à Élise, la veuve de Giono, un an après la mort de Giono, à l'occasion de la publication du premier volume de la Pléiade, il est dithyrambique et il est honnête. Il relit Colline en disant « c'est extraordinaire, Anne Bomugossi, Regain, tout ça suffirait à assurer le nom, l'avenir, la gloire posthume de Giono ». Il est parfaitement honnête quand il écrit ça. Alors vous avez participé, Thierry Dehé, à l'édition du deuxième tome de la correspondance de Marcel Pagnol, où il est question, évidemment, de la relation Giono-Pagnol. Enfin, il est question, c'est-à-dire qu'il y a des lettres qui sont échangées entre eux. Même le titre du recueil vient d'une de ces correspondances. Ça s'appelle « Je te souhaite beaucoup d'ennemis comme moi ». Tout est dit à peu près. Oui, bien sûr. C'est intéressant. C'est Nicolas Pagnol qui avait réuni l'ensemble de ces documents. On les a cherchés aussi un peu côté Giono. Et on a trouvé des choses qui prouvaient qu'ils finalement, ils avaient fini par bien s'entendre et s'apprécier. Je pense que des personnalités comme ça, il faut voir aussi que la rivalité, c'est constructif. Voilà. Et on le voit à travers leurs deux œuvres. Merci beaucoup Thierry Day d'être venu nous parler aujourd'hui de Pagnol et Giono, ainsi que de leurs Provence respectives. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Marcel Pagnol à l'école de Jean Giono, point d'interrogation, aux éditions La Mirandole. Tout de suite, la chronique. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. C'est une chronique qui vous est proposée aujourd'hui par Mayalène Berassategui du nouveau magazine littéraire. Bonjour Mayalène. Bonjour. Aujourd'hui, vous évoquez avec nous un autre sud, le sud-ouest, celui du Pays Basque, autour de Ramuncho de Pierre Loti. Comment est née l'idée de ce roman ? En fait, Loti, il est né à Rochefort, il n'est pas du tout du Pays Basque, et il est arrivé au début des années 1890, il était dans la marine, et il commandait une canonnière qui était stationnée à la frontière entre la France et l'Espagne, sur la Bidassoa. À cette époque-là, c'était déjà un écrivain reconnu qui avait beaucoup voyagé et il a décidé de se fixer là. Il a acheté une maison, il a rencontré une jeune basquaise qui s'appelait Clutita et il a eu plusieurs enfants avec elle et il ne les a pas reconnus et l'aîné de ses enfants s'appelle Raymond. Et c'est difficile de ne pas voir dans Ramuncho l'évocation de ce que serait devenu ce petit Raymond si Clutita lui avait dit « Non, je ne me laisse pas envoyer à Rochefort, là où tu es né, avec mes enfants », si elle avait choisi de partir et d'élever son fils au Pays Basque avec un père inconnu. Ça aurait un peu donné ça. Ramuncho, c'est donc l'histoire du fils bâtard d'une Basque espagnole et d'un étranger qui grandit dans l'arrière-pays. Son statut de bâtard pose problème dans ce microcosme catholique et donc il peut pas épouser la femme qu'il aime, qui est la très gentille et gracieuse. Et il se demande s'il va aller faire son service militaire parce que bon, il est basque, il n'est pas très français. À part ça, la vie au Pays Basque, c'est idyllique, ça joue à la pelote, ça danse, ça suit les traditions, ça fait de la contrebande, mais c'est de la gentille contrebande. Et surtout, c'est une vie qui est censée ne pas avoir bougé depuis des temps immémoriaux. Loti, ce qu'il va faire, c'est utiliser tous les codes de l'exotisme pour décrire une région qui, en même temps, est très accessible au reste de la France par le train. Et donc, ça marche et ça a un succès incroyable. Et du coup, quelle place occupait le Pays Basque dans la littérature avant Loti ? En fait, Loti est un peu... pas vraiment un pionnier, mais disons qu'il va être très très marquant. Avant lui, il y avait eu toute une première génération de romantiques. Vous avez une maison de Victor Hugo à Pasajes, si vous voulez visiter. Mais il parlait du Pays Basque comme d'un endroit où on passe pour aller vers l'Espagne. La vraie fascination, elle est pour l'Espagne, qui est un peu comme l'Orient en Europe, d'une certaine manière. C'est l'antichambre de l'Orient. C'est ça. Et du coup, le Pays Basque, bon, on s'arrête pas et on fait pas de roman là-dessus. Ça n'a pas d'intérêt particulier. En revanche, il y a un récit espagnol de l'identité basque qui, lui, est plus ancien, pour vous la faire très courte. Après la Reconquista en Espagne, il y a eu besoin de construire une identité, on va dire, purifiée, dans le cadre de la construction de l'identité nationale à l'époque moderne. En gros, il ne fallait pas avoir d'ancêtre juif et il ne fallait pas avoir d'ancêtre musulman. Et le Pays Basque est censé être cet endroit merveilleux où, sur un malentendu, il n'y a pas eu de juif et où il n'y a pas eu de musulman. Donc c'est devenu le lieu où l'histoire du reste de l'Espagne n'a pas eu lieu. Le lieu où, depuis des temps immémoriaux, ça n'a pas bougé. Et ça, c'est un discours qui n'a pas du tout été construit pour nourrir le nationalisme basque, mais qui a été récupéré au XIXe siècle par les nationalistes et par tout un tas d'intellectuels qui se sont mis à s'intéresser à cet endroit. Et Loti, il s'est aussi inspiré de ça. Et alors, est-ce que les Basques de l'époque se sont reconnus dans Ramuncho ? Le succès a été extrêmement mitigé. En fait, Loti, après, a beaucoup pesté parce qu'il a estimé que les touristes arrivaient, que le Pays Basque changeait, que les petites basquaises, elles ne voulaient plus être des petites basquaises. Et donc, le grand paradoxe de ça, c'est que finalement, Loti a contribué à un phénomène qu'il n'a pas apprécié par la suite. Voilà, une réponse donc nuancée. Merci beaucoup, Mayalène Berassategui, du nouveau magazine littéraire. C'était La Compagnie des œuvres avec Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et Anthony Thomasson.